الحمد لله رب العالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Donc on va commencer aujourd'hui, Inch'Allah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, sur l'étude d'un nouveau livre concernant la description de la prière. Concernant la description de la prière, comme on avait évoqué dans les assises précédentes, qu'on allait commencer un livre sur l'étude de la description de la prière. Et le livre s'intitule Sifatus Salah. Sifatus Salah, une traduction littérale, la description de la prière du célèbre et illustre érudit savant Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Donc vous savez, beaucoup de livres ont été écrits, enseignés concernant ce sujet, le sujet de la description de la prière, du fait que la prière c'est le deuxième pilier de l'islam. Et donc le croyant qui réalise le premier pilier de l'islam, qui est le témoignage, réaliser le témoignage La ilaha illallah et que Mohammed est le messager d'Allah, ensuite il lui incombe de réaliser ensuite après cela le deuxième pilier qui est la description de la prière. Et de nombreux savants, walillahil hamd, vu l'importance et l'immensité du sujet, ont écrit sur le domaine de la description de la prière, de beaucoup de questions relatives à la prière, du fait de l'importance de cette adoration qu'Allah Jalla wa Ala nous a légiféré et prescrit. Et parmi ces œuvres, il y a la célèbre œuvre, très célèbre, la description de la prière de Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayh, et il y a d'autres œuvres célèbres aussi, entre autres, celle qui a été éditée, la description de la prière de Sheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen. Donc on va essayer de lire et de comprendre les enseignements. Donc il y a de beaux rappels concernant l'importance de la prière, de beaux rappels et de nombreux enseignements concernant la description. Et ce qui est pertinent dans ce livre, ce qui est très profitable et bénéfique dans ce livre, c'est qu'il y a la mention des preuves, des textes concernant la description de la prière. Et tout ce qui va être enseigné, mentionné, l'auteur va mentionner al-ahadith, al-ayat, les versets, les passages dans le Coran, et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec des très belles interprétations et annotations de l'auteur lui-même. Et donc c'est une grâce d'Allah azawajal de pouvoir étudier de tels livres. Donc on va commencer directement, sans plus attendre, sur muqaddimatul kitab, sur la préface ou l'introduction du livre, de l'auteur lui-même, c'est-à-dire de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Donc il a préfacé, il y a d'abord une introduction de la fondation de la maison d'édition, et ensuite il y a l'introduction de l'auteur lui-même, de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Nous on va commencer par l'introduction de l'auteur, où il va introduire le sujet, et puis il va parler des différentes questions qui seront traitées à travers l'étude du livre. Et ce qui est très, très pertinent aussi parmi les causes du choix de ce livre, c'est que le volume du livre nous permet de pouvoir l'étudier et d'essayer, par la grâce d'Allah, si Allah nous le permet, d'essayer de terminer l'étude du livre. Donc la taille du livre convient et raisonnable pour l'étude. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم Muqaddimatul Kitab. Et avant qu'on commence, il est pertinent, par exemple, pour ceux après qui ont le livre, de toujours mettre lorsqu'on commente un livre, c'est pas une obligation, hein. Ça fait partie de la méthodologie, de l'organisation, toujours mettre, c'est bien. C'est bien de mettre la date. Par exemple, la date du jour sur le livre, pour ceux ensuite qui veulent le commander ou qui l'ont déjà chez eux ou bien qui vont suivre avec le livre ou bien s'ils ont un cahier ou autre, de noter la date du jour, la date du jour et du commencement et ensuite, si Allah le permet, Inch'Allah, si Allah le veut, à la fin de l'étude du livre, de mettre la date. C'est toujours bien, pourquoi ? Parce qu'ensuite, si Allah vous accorde vie, avec les années, vous pouvez toujours revoir les livres que vous avez étudiés et vous rappeler la date de commencement, la date que le livre a été terminé. C'est comme ça qu'on a vu que certaines œuvres, par exemple, certains savants, l'auteur lui-même, il a un commentaire de Al-Bulugh al-Maram, il a deux commentaires, si je ne me trompe pas. Il a un commentaire qu'il a fait à peu près en 17 années. Qu'il a terminé le premier commentaire qu'il avait fait de Al-Bulugh, il l'avait fait en à peu près, hein, ça environnait les 17 années. Ensuite, il l'a refait une deuxième fois en à peu près 4 années. À peu près 4 années. Et certains mashayikh notent. Ils notent la date de commencement. La date de fin, c'est très pertinent. Vous avez la date en... on est dans le calendrier égérien, 13 du mois de Rajab de l'année 1444. Qui correspond au samedi 4 février. Au samedi 4 février 2023. Donc c'est la date de commencement du livre. À peu près la même date, à quelques jours de différence, de Al-Qawa'id Al-Muthla. Nabda. ونستعين بالله عز وجل سائلين الله جل وعلا العون والتوفيق في ترجمة هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي فرض على عباده الفرائض من غير فقر إليهم ولا احتياج، وأعطى القائمين بها أكمل الأجر وأفضل الثواب، وعاقب المعرضين عنها والمفرطين فيها بما يستحقون من العذاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من غير شك ولا ارتياب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعباد، وأتم الله به النعمة على المؤمنين، وأصلح به أحوال الدنيا والدين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Donc après que l'auteur fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, il loue le créateur et témoigne qu'il n'y a nul adorateur véritable si ce n'est Allah, et témoigne que le messager Mohammed est bien le prophète et messager. Ensuite, après cette louange et salutation sur le prophète Hassem et sur les siens et ses proches et sur les compagnons, il dit amma ba'd. Amma ba'd. Fa inna Allah radiya lana dinan lam yarda lana dinan siwa. Radiya lana al-islam wa manna bihi 'ala hadhihi al-umma. Qala Allah fi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Wa qala fihi aydan ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال فأذكركم نعمة الله عليكم في دين الإسلام، فكم من أناس وما أكثرهم ضلوا عن دين الإسلام ولم يهتدوا إليه فخسروا في دنياهم وآخرتهم. Il commence déjà l'introduction de son œuvre, de ce livre, en disant Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose qu'il dit, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé pour nous comme religion cette religion. Il l'a agréé pour nous. Et il n'agrée pas autre que celle-ci pour nous. C'est celle-ci qu'il agrée pour ses serviteurs et ses créatures. Allah nous a fait grâce de cette religion à cette nation, cette religion qui est l'islam. Il fait référence au verset 3 dans Sourate Al-Ma'ida, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Al-Yawma akmaltu lakum dinakum » Allah, une traduction relative du livre, du verset, et dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. » « Wa atmamtu alaykum ni'mati » Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a complété, parachevé aussi, son bienfait sur nous, et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. L'islam pour vous comme religion. Et dans un autre verset, donc ça c'était le verset 3 de la sourate Al-Ma'ida, et dans le verset 85 dans la sourate Ali Imran, Allah dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا Et celui qui cherche une autre religion que l'islam, فَلَا يُقْبَلَ مِنْ Il ne sera point accepté de lui. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Et le jour de la rétribution comptera parmi les pardons, c'est une traduction littérale du sens ou approximative du sens du verset. Donc le premier rappel que fait ici l'auteur, il fait le rappel qu'Allah Jalla wa Ala, il a agréé pour nous l'islam comme religion. Et celle-ci est la religion qu'il accepte pour nous. Et certains savants, en l'occurrence un grand savant contemporain, a fait une très belle annotation à la mention de ce verset. Et cette annotation, elle interpelle du fait que ce savant-là, qui avait justement interprété ce verset, et traité justement du verset, il disait de faire attention au terme « lakum ». Se concentrer sur le terme « lakum » qu'il y a dans le verset. Allah dit « akmaltu lakum »« J'ai parachevé pour vous ». وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَرَضِيتُ لَكُمْ Pour vous, Allah dit. Et lorsque on médite sur le terme « pour vous », alors qu'est-ce qu'on déduit ? C'est un honneur pour le croyant. Puisqu'Allah dit aux hommes, dit à ses serviteurs, à ses créatures, « Aujourd'hui, j'ai complété pour vous. J'ai parachevé pour vous. » Imaginez-vous l'honneur pour la créature que son créateur dit, pour toi, pour vous, j'ai parachevé. J'ai complété cette religion pour vous. Et j'ai parachevé sur vous, c'est-à-dire pour vous, mon bienfait. Alors celui qui médite le verset, il va se rendre compte de l'honneur, comment Allah Azza wa Jal honorifie ses serviteurs. C'est pour cela qu'il a été dit à l'époque de Omar ibn Khattab, lorsqu'un homme lui a dit, si nous, il nous fut révéler un tel verset, on aurait pris le jour de la révélation de ce verset comme un jour de fête. Un jour de fête. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui connaissent le mérite des choses. Et ça, c'est un mérite et une faveur qui est immense de la part de notre Créateur. Subhanahu wa ta'ala. Allah, notre Créateur, nous dit que, dans son noble livre, nous dit que cette religion est la religion de vérité. Et que cette religion, Allah Azza wa Jal, il nous l'a parachevée. Et donc on comprend que cette religion, elle est complète. C'est-à-dire, elle n'a pas besoin qu'on y rajoute quelque chose, ou bien qu'on y diminue, on enlève de cette religion. Elle est complète, la religion. On n'a plus besoin de rajouter, et on n'a pas besoin d'enlever. Ensuite, l'auteur, après avoir fait ce rappel, il dit فَأُذَكَّرُكُمْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ Regardez ce qu'il va dire l'auteur. Il dit et je vous fais un rappel. أُذَكَّرُكُمْ Je vous rappelle quelque chose. Il dit je vous rappelle le grand bienfait d'Allah Azza wa Jal sur vous concernant cette noble religion. Cette noble religion. فَكَمْ مِنْ أُنَاسٍ Il dit combien de gens, si ce n'est la majorité, Dallu an din al-islam n'ont pas trouvé le bon chemin. Ont dévié du chemin de l'islam. Wa lam yahtadu ilay et n'ont pas été guidés vers elle, c'est-à-dire vers cette immense religion. De sorte, fa khasaru fi dunyahum. De sorte, qu'ils sont perdants ici-bas et dans l'au-delà. Qala ta'ala, et il va faire allusion à une parole d'Allah Azza wa Jalla lorsque dans le Coran Allah dit Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, ne vais-je pas vous indiquer qui est-ce réellement et véritablement qui sont les perdants? Et donc dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit au prophète de dire, ne vais-je pas de dire aux gens, à son époque, ne vais-je pas vous indiquer qui sont les gens en réalité qui sont perdants, qui ont perdu en quelque sorte, littéralement le verset l'est dit, qui ont perdu leurs œuvres. Leurs œuvres sont vaines. Ils ont perdu leurs œuvres. Et il dit dans le verset, ceux qui se sont égarés du bon chemin, dans cette vie d'ici-bas, en pensant qu'ils font bien. En pensant qu'ils font bien. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم سعيهم c'est-à-dire ceux qui se sont égarés de du bon, je veux une traduction relative, hein, rapprochée, في الحياة الدنيا, dans cette vie d'ici-bas, وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا, et eux pensent qu'ils font bien, ils pensent bien agir, ils pensent que leurs œuvres sont bonnes. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. Ceux-là sont ceux qui ont mécru aux signes, aux versets de leur Seigneur, ولقائه, et à sa rencontre, فحبطت أعمالهم. Et donc leurs œuvres ont été vaines. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Et donc cela aura aucune valeur le jour de la rétribution. Et là, on a, ça c'est le verset, pour ceux qui veulent s'y référer, le verset 103 à 105. Vous avez dû tous reconnaître le verset. C'est un verset que vous lisez, je pense, le vendredi, puisque c'est un verset dans la sourate la caverne, dans la sourate al-Kahf. Et on a un autre verset, le verset 15, dans la sourate Zumar. Pour ceux qui veulent ensuite revenir au verset et méditer, dans un autre verset, et c'est un verset qui fait peur, où Allah Azza wa Jalla nous dit Qul, et dit au prophète samedi, Innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyama. Allah parle des vrais perdants. Qui est le vrai perdant? Le vrai perdant, c'est celui qui a perdu sa propre personne et qui a perdu les siens le jour de la rétribution. أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Allah dit, n'est-ce pas cela la perte évidente, dans une traduction rapprochée et approximative du sens du verset. قَالَ وَهُوَ الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِي الْعَقِيدَةِ وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ فَلَيْسَ الْإِسْلَامُ عَقِيدَةً فَحَسْبُ وَلَكِنَّ الْإِسْلَامَ عَقِيدَةٌ وَقَوْلٌ وَعَمَلٌ. فكما لا يكون الإسلام بالعمل وحده كذلك لا يكون بالعقيدة وحدها قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت أو وحج والحج وصوم رمضان ومعنى ذلك أن هذه الأصول هي دعائم الإسلام التي لا يمكن أن يقوم إلا بها كما لا يقوم البناء إلا بأساسه إلا بأساسه. Et donc maintenant, là c'est très pertinent, Cheikh maintenant qui nous a parlé de cette religion, de l'islam, et nous fait un rappel, c'est-à-dire de, dans ce paragraphe qu'on vient de traduire de manière rapprochée, il a fait le rappel et dit أذكركم. Je vous fais le rappel sur le mérite et les faveurs de cette religion. Et ça, bien sûr, le musulman, le croyant et la croyante, eux, connaissent le mérite de cette religion. Celui qui est croyant et la croyante, celui qui est musulman, la femme musulmane aussi, connaissent les faveurs, les mérites de cette religion. Et de ce fait, chaque croyant sait la richesse qu'il détient. Il sait que il n'y a pas une fortune n'y a pas de fortune dans cette vie d'ici-bas qui peut dépasser le mérite et les faveurs de cette religion. Cette religion n'a pas de prix. C'est pour cela que celui qui connaît l'immensité et la grandeur de cette religion, il sait qu'Allah, Azza wa Jal, son créateur, l'a gratifié d'une chose, d'une valeur incommensurable. Et c'est pour cela que juste le fait d'être guidé, d'être croyant, le croyant sait qu'il est redevable devant son créateur. Et c'est qu'Allah Azza wa Jal l'a comblé d'un bienfait qui est immense. Comme on l'a déjà maintes fois dit, beaucoup de gens aimeraient croire, aimeraient avoir la foi. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Et cette foi-là, cette iman, cette lumière, c'est le créateur qui met cela dans le cœur de qui il veut. Dans le cœur de celui qu'il veut. C'est pour cela que le croyant, lui, son regard qu'il a envers autrui, lorsqu'il reconnaît la richesse qu'il détient, cette religion, l'immense valeur de cette religion, son regard qu'il a par rapport à autrui, ce n'est pas un regard hautain, ce n'est pas un regard de vanité, mais c'est plutôt un regard de compassion. Le croyant a de la compassion pour autrui. Pourquoi ? Parce que le croyant aimerait la guider pour autrui parce qu'il connaît la richesse de celle-ci. Donc là, c'était là le premier rappel que fait l'auteur. Il nous fait le rappel sur l'immensité, la valeur de cette religion. Ensuite, il nous dit cette religion, c'est quoi ? Maintenant, regardez, c'est très pertinent. Dans le paragraphe suivant que je viens de lire, il dit, mais qu'est-ce que cette religion ? C'est quoi l'islam ? Alors, il nous dit, l'islam, c'est al-istislamu lillah. C'est la soumission au créateur d'une manière interne et externe. C'est-à-dire d'une manière non apparente et d'une manière apparente. Donc, il dit que ce soit dans les convictions ou que ce soit à travers les paroles et les actions. Alors il dit, l'islam ce n'est pas juste de une croyance, c'est pas l'aqida seulement. Certains pensent que la religion c'est juste une aqida, une croyance, fahasb. Non, il dit l'islam n'est pas juste une croyance, mais cette religion d'islam, aussi bien elle comprend conviction, croyance, comme parole et action. Kama la yakun al-islam bil-amal wahdahu kadhalik. Comme l'islam aussi, ce n'est pas juste des actions seulement. Il dit l'islam aussi, ce n'est pas juste des actions, mais ça comprend conviction, croyance, parole et œuvre. Pour cela, il dit le prophète sallam a dit que cette religion est bâtie sur cinq piliers. Et là, il fait allusion au hadith concernant les cinq piliers. Concernant les cinq piliers de l'islam. Et le prophète dans un récit dit, et c'est la preuve, concernant le fait que l'islam est bâti sur cinq piliers et comprend cinq piliers. Le prophète dit, une traduction relative du hadith, l'islam a été bâti sur cinq. Témoigner qu'il n'y a nul adoré véritable si ce n'est Allah, qu'il n'y a nul ilah si ce n'est Allah, que Mohammed est le messager d'Allah, accomplir la prière, s'acquitter de l'aumône légale, az-zakat, accomplir le pèlerinage et jeûner le mois du ramadan. Voilà les cinq piliers de l'islam. Quand on dit les cinq piliers de l'islam, c'est-à-dire que l'islam, comme il est dit par le prophète, et ça, il faut retenir ce terme, l'islam buniya ala khams. L'islam est bâti, est fondé sur ces cinq. C'est-à-dire que ces cinq actions-là sont des piliers de cette religion. Sont les piliers. L'attestation, la prière, s'acquitter de l'aumône légale, le pèlerinage et le jeûne du mois du ramadan. Omar Nazarik, quel est le sens de cela ? Le cheikh nous dit ensuite, le sens de cela, أن هذه الأصول هي دعائم الإسلام التي لا يمكن أن يقوم إلا بها كما لا يقوم البناء إلا بأساسه. Et donc, l'islam est bâti sur cela. Comme une bâtisse, par exemple, ne pourra pas tenir si elle n'est pas fondée sur des fondations. Celle n'a pas de fondation. Et ça, c'est très important. Ensuite, Cheikh, il va faire un autre rappel. Donc, premièrement, le rappel sur les mérites et faveurs de l'islam. Ensuite, sur le sens de l'islam. Ensuite, il dit « Innana ayyuhal ikhwa ». Regardez ce qu'il va dire. Il dit إننا أيها الإخوة نذكر أنفسنا وإياكم بنعمة الله علينا في هذا الدين الإسلامي ونسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه حتى نلقاه ولكن اعلموا أيها الإخوة أن نعمة الدين الإسلامي كغيرها من النعم إن شكرت زادت وثبتت واستقرت وإن كفرت نقصت وزالت أو زالت ونسأل الله العافية. Et là, le cheikh nous fait un immense rappel. Écoutez bien ce qu'il dit. Et ce rappel-là qu'il nous fait, c'est une règle. C'est une règle qu'il faut toujours avoir en soi. Là, il nous dit. Il dit, « Oh mes frères !» Et Adjib, comme on avait relaté cela dans la dernière assise, regardez, l'auteur est mort, est décédé, il est enterré, il est dans sa tombe, et on lit ses paroles. Et il nous parle, subhanallah. Il est mort, mais on lit ses écrits, c'est comme s'il nous parle, puisqu'il dit, وَإِنَّنَا أَيُّهَا الْإِخْوَى نُذَكِّرُكُمْ. Il dit, oh mes frères, je vous fais un rappel d'une chose. Oh, il dit, نُذَكِّرُ أَنْفُسَنَا. On rappelle nos âmes, nos personnes. Et il s'inclut dedans. Il s'incluait dedans que Allah Azza wa Jal nous a comblé de bienfaits, en l'occurrence cette religion, et il dit, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la constance jusqu'à ce qu'on puisse le rencontrer. Et regardez ce qu'il va dire. Mais il dit, oh mes frères, donc je vous traduis littéralement ce qu'il dit. Pardon. Mais je vais vous traduire littéralement ce qu'il dit. Mais il dit, ô mes frères, le bienfait de cette religion islamique, si on peut dire de la sorte, comme cela concerne les autres bienfaits, il dit, si on remercie notre Créateur, on fait preuve de reconnaissance, alors le bienfait va s'accroître. Allah va nous rajouter. Wathabatat. Et va perdurer. Wastaqarrat. Et sera stable. À l'inverse, il dit. Wa in kufirat naqusat. Par contre, si on fait preuve d'ingratitude, alors le bienfait diminuera. Aou, ou bien il dit, zalat, se dissipera. Et on demande à Allah Azza wa Jal al-afiyah. Et regardez ça. Soyez bien attentifs lorsque le Cheikh il dit wa nas'al Allah ta'ala an yuthabbitana 'alayhi hatta nalqa wa lakin ya'lamu ayyuha al-ikhwatu anna ni'mat ad-din al-islami ka ghayriha min an-ni'am. Ka ghayriha min an-ni'am. Regardez, j'attire votre attention quand l'auteur il dit, mais ce bienfait dont Allah nous a comblé de cette religion, cette belle religion, est comme les autres bienfaits. Écoutez bien. Donc, pour les autres bienfaits aussi, il y a une règle très importante, que ce soit pour le bienfait de la religion, les autres bienfaits dont Allah Azza wa Jal nous a gratifiés et comblés. Le fait que si on remercie notre Créateur et on fait preuve de gratitude, Allah Azza wa Jal va nous rajouter. Et ces bienfaits-là vont s'accroître, vont se multiplier. Par contre, à l'inverse, si on fait preuve d'ingratitude, alors, non seulement ces bienfaits-là risquent de diminuer, mais bien de se dissiper. De se dissiper. Et ça, pourquoi ça c'est très important? Il y a beaucoup de gens qui vivaient dans le bien. Ils avaient des biens. Ils avaient la santé. Ils avaient une famille, une épouse, des enfants. Ils ont monté un foyer, alhamdoulilah. Ils avaient un beau travail, mais n'ont jamais été contents. Et à l'inverse, certaines femmes aussi avaient fondé un foyer, avec des enfants, de la santé, avec tout ce qu'une personne peut espérer dans cette vie. Mais certains n'ont jamais remercié leur Créateur. Et dès le premier réveil, ça commence les plaintes. Et beaucoup de gens se plaignent. C'est pour cela que certains, par exemple, Allah leur a donné, par exemple, un beau travail. Mais les gens ne se rendent pas compte du bienfait. Alors ensuite, ils perdent leur travail. Certains, dont Allah Azzawajal leur avait donné une belle épouse, ils n'ont pas remercié le Créateur. Ils ont perdu leur épouse. Certains, dont Allah Azzawajal leur avait donné la santé, ils n'ont pas remercié le Créateur. Ils ont vu perdre cela, ce bienfait-là. Et donc certains perdent des bienfaits dont Allah Azzawajal les a comblés et ne savent pas le pourquoi. Ça fait partie des causes. Parfois, on peut vivre dans un bienfait, mais le fait qu'on n'a pas remercié le Créateur, on n'a pas assez été reconnaissant, on a perdu ce bienfait. Après, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'une personne il a perdu son travail ou il a perdu son épouse, ça veut dire parce qu'il n'a pas remercié. Il y a d'autres causes. Mais parmi les causes, s'il sait que c'est une personne qui est dans la plainte constante, il se plaint constamment et il n'est pas content de ce qu'il a, il ne remercie pas son Créateur, alors qu'il sache que les biens qu'il possède peuvent diminuer comme ils peuvent disparaître et se dissiper. Regardez l'histoire qu'on avait racontée, Sahib al-Jannatayn. Dans un précédent sermon, celui qui avait les deux jardins, qu'est-ce qui s'est passé à la fin ? Il a perdu. Il a perdu. Et ça, c'est la finalité de l'ingrat. Celui qui ne remercie pas. Et c'est pour cela qu'il y a une richesse dans le cœur qu'on appelle Al-Qana'a. Al-Qana'a, c'est une richesse. Celui qui a ça dans son cœur, qu'il sache que c'est une richesse qu'il détient. Al-Qana'a, c'est lorsqu'on est content de ce qu'on a. Lorsqu'on se suffit de ce qu'on a. Vous avez vu, par exemple, il y a des gens qui vivent dans des palaces. Mais pour lui, c'est insignifiant. C'est normal. Il y a des gens qui vivent dans des petits appartements, au mètre carré qu'on peut compter, et il est tellement heureux, lui il est content de son appartement. Une autre personne qui vit dans, il va rentrer dedans, il va dire tu vis dans ça, mais lui il en est content. Il est tellement heureux, il a le qana'a, il est content de ce qu'il a. Et il y en a d'autres qui vivent dans des palaces, mais ne se rendent pas compte. Il n'y a pas de baraka, il n'y a pas de bénédiction dans cela. Et donc certains vivent dans la richesse, dans l'opulence, mais ils ne ressentent pas les bienfaits. Et il y en a qui vivent dans modestement, mais eux vivent heureux. Ils sont dans le bonheur. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le bonheur, ce n'est pas l'argent. Le bonheur, ce n'est pas la multitude de biens. Celui qui pense ça, c'est faux. Il y a des gens qui n'ont pas toute cette richesse, mais qui ressentent le bonheur. As-sa'ada, c'est quoi as-sa'ada ? Tariqat as-sa'ada, al-iman, wa al-istiqama, wa al-islam. C'est ça as-sa'ada. As-sa'ada, c'est pas forcément les biens. Ceux qui pensent que le bonheur, c'est avec les biens, ça, c'est une personne qui est matérialiste. Ils pensent cela. Donc c'est pour ça, si vous voulez, en quelque sorte, pour qu'on puisse continuer, la régler. Si vous voulez voir vos biens s'accroître, remerciez le Créateur. Expérimentez cela et vous verrez. Expérimentez cela et vous verrez. Remerciez le Créateur. Après, ça n'exclut pas que le Créateur, lorsqu'il aime ses serviteurs, il les éprouve. Le prophète dans un hadith nous dit « Inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtala » Lorsqu'Allah il aime un peuple, il va l'éprouver. « Ahasib al-nas an yutraku an yakulu » Est-ce que les gens penseront qu'on les laissera dire nous avons cru sans qu'Allah ou sans que nous les éprouvions, Allah dit dans son livre. Donc Allah aime. Lorsqu'Allah aime, il éprouve. Et l'ampleur de la récompense va avec l'ampleur de l'épreuve. Mais la règle est que si vous remerciez, et si vous me remerciez, Allah dit, je vous rajouterai. Et les savants ont déduit de cela, mafoum al-mukhalafa, à l'inverse. Si Allah Azza wa Jalla nous dit, Si vous me remerciez, je vais vous rajouter. Qu'est-ce qu'on comprend à contrario ? L'inverse, si on ne remercie pas, ça risque de diminuer. Et c'est pour ça que c'est très pertinent. Et c'est pour ça, regardez, qu'est-ce que Cheikh dit ? Il dit « Innana ayyuhal ikhwatu nuzakkiru anfusana wa iyyakum bi ni'matillahi alayna » Et ensuite il va dire « Walakin i'alamu ayyuhal ikhwatu anna ni'mata din al-islami ka ghayriha min al-ni'am in shukirat zadat wa thabatat wa staqarrat » Ensuite il dit فإذا قمنا بما يجب علينا من دين الإسلام من حماية والدعوة إليه من حمايته والدعوة إليه والثبات عليه فإننا سوف نزداد منه ثباتا وعملا ودعوة. Alors là, il y a un rappel immense. Regardez le Cheikh, ce qu'il va dire. Il dit maintenant à nous, qu'est-ce qui nous incombe? Si, il dit, on applique convenablement notre religion, si on s'y attache convenablement, et on l'applique convenablement. Donc moi j'essaie de traduire selon mes capacités. Bien sûr, s'il y a parmi vous qui ont des remarques ou qui peuvent aider, n'hésitez pas. On est ouvert. Pourquoi? Parce que Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Athaymin, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, n'acceptez pas et ne tolérez pas qu'on transmette quelque chose en son nom qu'il n'a pas dit. Et peut-être que parmi vous, vous avez déjà entendu des audios où Shir ne pardonne pas qu'on transmette une fatwa qu'il n'a pas dit. Je me rappelle plus de quelle question qui avait été posée, qui vient de me revenir. Un jour, une personne avait posé une question au Shir en disant qu'il lui demandait pardon, qu'il avait transmis quelque chose de sa part. Le sens, hein, général, je me rappelle plus très bien vraiment quelle était la question, mais qu'il avait transmis telle et telle chose de Shir. Et Shir ne l'avait jamais dit cette chose-là. Il n'a pas fait cette fatwa. Et Shir avait été très sévère. N'accepte pas le mashaykh ou l'ulama qu'on transmette quelque chose d'eux qu'ils n'ont pas dit. Donc celui qui transmet, il doit faire preuve de rigueur. Et je viens de me souvenir de ça, aussi bien pour la traduction. La traduction, le shaykh est décédé. Donc on ne peut pas, et c'est pour ça que si des gens peuvent aider, la porte elle est ouverte. Ta'amun ala al-birr wa taqwa. Un jour, je me souviens, un savant contemporain, un savant qui est toujours vivant, un grand savant contemporain, dans une de ses assises, il a évoqué un sujet. Il a évoqué un sujet. Ensuite, il était chez lui. Et le shir sur le sujet, il a un écrit. Il a un livre, justement, sur le sujet. Donc, le savant, c'est un savant célèbre, hein, a sorti un écrit de lui, le livre, et les frères qui étaient présents dans l'assise, il a offert le livre, il a dit « Qui est-ce d'entre vous qui veut le traduire, peut le traduire ?» Mais il l'a dit « Je ne tolère pas l'erreur. » Malgré que, peut avoir des erreurs. Le shir sait qu'il peut y avoir des erreurs. Rien n'est parfait. Mais il rappelle que celui qui fait ce travail, Shir, il veut une belle traduction. C'est une science. C'est un ilm. Il a dit, celui qui prend la responsabilité de traduire, il faut qu'il prenne cette responsabilité au sérieux. Et là, c'est un rappel, parce que là, on se dit, alors, à l'écoute de cela, ils ne tolèrent pas que n'importe quoi soit dit sur eux. Donc celui qui traduit comme ça, il faut faire preuve de rigueur. Et donc le shir a dit, celui qui veut le traduire, le livre, en sachant qu'il dit qu'il y avait déjà une traduction de ce livre-là, mais s'ils veulent refaire une traduction, parce que il me semble qu'on lui avait rapporté qu'il y avait eu des erreurs dans la traduction. Donc vous avez vu, ils sont attentifs à cela. Et imaginez-vous, vous, à la place, en tant qu'être humain, si On vous fait dire des choses que vous n'avez pas dites, surtout dans le domaine de la religion. Donc, on reste, lorsqu'il y a des passages qu'on ne peut pas traduire, je les passe. Comme ça, vous connaissez la méthodologie, ou des passages où, un peu complexes, où je ne sais pas, où je doute, on passe, Inch'Allah. قال فإذا قمنا بما يجب علينا من دين الإسلام. Donc, Cheikh dit, si nous accomplissons les obligations qui nous incombent de notre religion, regardez ce qu'il dit, min himayatihi, dans la préservation de celle-ci, wa da'wati ilayhi, dans l'appel vers celle-ci, wa thabati alayhi, c'est là le rappel aussi que je voulais insister, soyez attentifs sur ce rappel, wa thabati alayhi, et sur la constance. Vous avez vu souvent les paroles, les savants parlent de thabat, la constance. Parce que thabat, c'est ça qui est très très dur. Être guidé, c'est une chose. Mais y rester et tenir et s'attacher, c'est autre chose. Combien de gens pensaient être sauvés, mais ils n'ont pas terminé le chemin. C'est pour cela que le plus important, lorsque on a compris la droiture et la rectitude, c'est de s'y tenir et c'est ce qu'on appelle al-thabat, être constant. Et c'est pour cela que si vous méditez à travers les invocations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous avez vu quelle est l'invocation où il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliait le plus. Elle est célèbre. Ya muqallib al-qulub, ثبت قلبي على دينك. Ô celui qui tourne les cœurs, affermis mon cœur à ta religion. Affermis mon cœur sur ta religion. Ya ikhwa, des grands tulab al-ilm, des grands étudiants, des gens qui prêchaient. Certains avaient un ilm que vous pouvez même pas vous imaginer. Ils ont dévié du droit chemin. Personne n'est à l'abri. Aujourd'hui, la personne peut croire et demain peut mécroire. Aujourd'hui, il peut être croyant, demain, il peut ne plus être croyant. Qu'est-ce qu'il faut demander ? Al-Thabat. Regardez l'auteur, c'est ce qu'il dit. وَإِذَا قُمْنَا بِمَا فَإِذَا قُمْنَا بِمَا يَجِبُ عَلَيْنَا مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ مِنْ حِمَايَتِهِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ وَالثَّبَاتِ عَلَيْهِ والثبات عليه فإننا سوف نزداد منه ثباتا وعملا ودعوة. C'est une parole vraiment très pertinente. تفضل يا شيخ. هذه دعوة التامة وصلاة القائمات. اللهم رب اهدنا. Donc on termine sur ces paroles du Cheikh. Regardez, c'est très pertinent parce qu'il nous dit. Donc, il dit, Faïda Kumna, si vraiment nous, on accomplit ce qui nous incombe, ce qui nous est obligatoire de notre religion, parmi sa préservation, la pâle vers celle-ci, et la constance. Regardez, il insiste bien sur la constance. Qu'est-ce qu'il dit? Si on fait cela, il dit une chose. Là, c'est un très bel enseignement. Il nous dit, فَإِنَّنَا سَوْفَ نَزْدَدُ مِنْهُ ثَبَاتًا وَعَمَلًا وَدَعْوَةً. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, notre constance va s'accroître, c'est-à-dire s'intensifier, notre œuvre et notre appel, الدعوة, et notre da'wa. Et donc, on a dit, notre souci, c'est quoi, nous? C'est d'être constant. Eh bien, regardez, plus on est constant, plus la constance, elle s'accroît et s'intensifie. Plus on œuvre bien, plus l'œuvre s'accroît et s'intensifie. Vous avez vu la cause pour l'accroissement de la constance. L'accroissement de la constance. Il va se baser sur une preuve dans le Coran. Regardez Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran. Vraiment à méditer. « وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Allah dit, et ceux qui seront droits, Allah va leur rajouter de leur droiture. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا. Ceux qui vont choisir al-huda et qui seront droits, زَادَهُمْ هُدَى. Allah te rajoute de la huda. Subhanallah. Et il dit, وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Et Allah, ensuite, leur rajoute de la taqwa. Même la taqwa, la crainte qu'on a de notre Créateur, va s'accroître. Subhanallah. Et dans un autre verset, Allah dit, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. Et dans un autre verset que je traduirai demain, Inch'Allah, parce que là, j'ai pas la traduction, et comme ça, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. Je vous traduis juste le début. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى. Allah rajoutera à ceux qui sont sur la droiture de la droiture. Je vous traduis le début du verset. Et je pense que l'auteur veut yestashhid. Il prend l'élément illustrant shahid min al-aya. Allah dit qu'il rajoutera à ceux qui suivent la droiture de la droiture. Donc plus on est bon et droit, plus Allah Azzawajal nous rajoute de la droiture. Et regardez là ce qu'il va dire. Écoutez ce que l'auteur va dire. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, le croyant lorsqu'il lit des livres d'un savant, il ne doit pas choisir n'importe quel savant. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est comme on avait illustré, on avait donné cet exemple d'une savante contemporaine, une savante contemporaine qui s'est spécialisée dans les livres de Cheikh Ibn Uthaymeen et qui s'est spécialisée dans les livres et de faire des recherches dans les livres de Cheikh Ibn Uthaymeen, du fait qu'un jour elle dit, elle a vu en rêve l'imam Ahmed ibn Hanbal wa Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans son rêve, et il y avait Cheikh Ibn Uthaymeen, elle dit. Et ils lui ont fait montrer un livre de Cheikh Ibn Uthaymeen en disant, cela est une lumière. Et depuis, elle dit qu'elle s'est spécialisée dans les livres de Cheikh Ibn Uthaymeen. Et donc, on voit à travers la lecture de ces livres-là, il y a des très belles paroles. Regardez ce qu'elle dit. وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ لَنَا أَنَّهُ كُلَّمَا ازْدَادَ الْإِنسَانُ طَاعَةً لِلَّهِ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ مَا لَا يَفْتَحُ عَلَى غَيْرِهِ فَأَحُثُّ طلبات العلم خاصة على التمسك بشعائر الإسلام ظاهرة وباطنة المتعلقة بحق الله عز وجل وبحقوق عباده حتى يزيدهم الله علما وهدى ونورا فتعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لتعبدوا ربكم على بصيرة وبرهان فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولا يستوي من يعبد الله وهو يعلم كيف يعبده ويعلم أنه يعبده على شريعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يستوي هذا ومن يعبد الله وهو يجهل ذلك ومتى علمتم حدود ما أنزل الله فاتقوا الله تعالى في التزامها ما استطعتم وطبقوها كما علمتم ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم أو انتقاد منتقد أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين ولا يخفى علينا جميعا أن دين الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وهذه الأركان الخمس تتفاوت في مراتبها وفضلها وأحكامها وتشترك كلها في أنها أركان الإسلام وأما ما يتعلق بالصلاة فهذه رسالة في الصلاة لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها علما وعملا وأن يجعلني وإياكم هداة مهتدين وإنما اخترت هذا الموضوع لأمرين الأول أهميته الشرعية حيث إن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والثاني أن كثيرا من المسلمين اليوم تهاونوا بكثير من أمور الصلاة وتتضمن هذه الرسالة عرضة الأمور التالية الأول في معنى الصلاة لغة وشرعا الثاني متى وأين فرضت الصلاة الثالث في بيان أهميتها شرعا الرابع في بيان فضلها وفوائدها الخامس في التحذير من إضاعتها السادس في بيان حكم تاركها السابع في بيان بعض شروطها الثامن في بيان صفاتها على ضوء الكتاب والسنة والتاسع في بيان الواجب فيها والعاشر في بيان قاعدتين شريفتين والحادي عشر في بيان أهمية الخشوع وما يتعلق به والثاني عشر في بيان حكم صلاة الجماعة وبيان بعض أحكامها انتهى كلامه في هذه المقدمة. Donc là, j'ai avancé un peu pour qu'on finisse la lecture sur l'introduction. Donc là, on a fini la lecture sur l'introduction. Et ensuite, l'auteur dit qu'il va commencer par le premier fasl, en quelque sorte le premier chapitre, concernant le sens de la prière. Étymologiquement, c'est-à-dire linguistiquement parlant et étymologiquement, il va expliquer le sens de la prière. Quel est le sens de la prière ? Dans la linguistique, dans la langue arabe, quel est le sens ? Mais aussi le sens étymologique. Dans la religion, quel est le sens de la prière ? Et demain, je terminerai, si Allah nous le permet, la traduction de ce qu'on vient de lire, la fin de l'introduction. Et ensuite, l'auteur présente, à la fin, ce que j'ai lu, c'est que l'auteur présente les différents chapitres. Donc, il y aura 11 chapitres concernant la prière. Le premier chapitre concernant le sens de la prière, l'oraten wa sharan. Le deuxième chapitre sera relatif à où et quand a été prescrite et légiférée la prière. Le troisième chapitre concernant la clarification sur l'importance de la prière religieusement. Quatrième chapitre sur les mérites et les faveurs de cette prière. Jusqu'à qu'il y aura des chapitres ensuite sur la description de cette prière, sur les conditions de la prière, sur les obligations de la prière. Il va mentionner qa'idatan ou qa'idataini sharifaini ou sharifataini, deux règles nobles concernant la prière, ça sera un chapitre. Il va parler de la al-khushu' dans la prière, l'importance de la concentration dans la prière et ce qui s'y rapporte. Et le dernier chapitre qu'il va relater sera relatif aux règles de la prière en commun. On parlera aussi des règles de la prière en commun. Barakallahu fikum pour votre patience. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.